Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour partager une émission best-of, rétrospective de ce premier semestre 2023, avec une sélection par bloc de 6 groupes, au long de ces 2 heures, une petite rétrospective de tout ce qu'on a pu vous diffuser parmi nos spotlights et focus, donc vraiment les gros coups de cœur, les plus grandes réussites à notre sens de ce début d'année 2023. On attaque tout de suite avec la première série. Dans ce groupe, nous aurons donc Obituary, Hellreaper, Judiciary, Gorod et Lovebites. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur ces 6 premiers groupes ? Obituary, le groupe de death floridien qui a sorti là son 11e effort studio mi-janvier chez Relapse Records. Premier effort de 2017 et toujours droit à de la grande qualité. Hellreaper, ensuite un one-man band écossais qui a sorti son 3e effort studio à la mi-février du côté de chez Peaceville Records. On est sur du Heavy Speed Trash Black. Judiciary, 2e album studio pour le groupe de hardcore venu du Texas, sorti le 10 mars chez Close Casket Activities. Gorod, ensuite, la formation bordelaise qui, le même jour que Judiciary, a sorti là son 7e effort studio, toujours sur un tech death un peu jazzy. Lovebites, ensuite, formation 100% féminine qui nous fait du heavy power, ça vient du Japon. 4e effort studio sorti à la mi-février. Une recette assez européenne, old school, suédo-allemande dans le style. Très technique, très efficace. Elish, pour clôturer ce premier bloc, groupe de Blackening Trash chilien. Une signature au passage chez Dying Victim Prod. Voilà, le premier effort studio était sorti toute fin 2022. Voilà, on l'a intégré début 2023. Bien old school, bien violent. Et voilà, entre temps, cependant, le groupe Elish a splitté. Obituary, Dying of Everything, le titre de l'album. The Eating Merchies pour Hellreaper. Obsidian pour Judiciary. Victory, le morceau de Gorod. Lovebites, Stand and Deliver. Elish, Blackstones. C'est parti pour le premier bloc musical de l'émission Hellbanger de ce soir. Je rappelle, on est dans la petite sélection best-of de juillet 2023. C'est parti. something new to this world. Vous êtes toujours sur Hellbanger, on attaque tout de suite le deuxième bloc best-of rétrospective de ce premier semestre 2023, avec cette fois au programme Insomnium, hein, d'ailleurs on va s'envoyer une petite doublette scandinave, Insomnium, le groupe de mélodes finlandais qui a sorti là son 9e effort studio mi-février. Rotten Sound ensuite, autre formation finlandaise, d'autres vétérans, un excellent 8e effort studio, ultra rapide, condensé, mortellement efficace, voilà, sorti le 31 mars, un album intitulé Apocalypse. Pest Control ensuite, une très récente formation de trash crossover venue d'Angleterre, avec une chanteuse qui arrache. Au passage, ils ont fait la première partie de la grosse, ils vont faire la première partie de la grosse tournée d'Obituary, entre août et septembre, et ils ont ouvert pour Creator au printemps. Inherit the Void, ensuite on est sur du Black Atmo, projet solo qui nous vient de Clermont-Ferrand. Le second effort studio a vu le jour en janvier. Un BM assez éloquent, inspiré par la scène des 90s venue de Suède et des formations emblématiques françaises de l'époque. Avec également des inspirations plutôt modernes telles que Regarde les hommes tombés. On aura ensuite Sermon, groupe de Doom Gothic qui nous vient de Turquie. Le premier véritable effort studio a vu le jour en février sur le label français Bitume. On peut rapprocher ça des vieux Paradise Lost. Et ensuite, pour clôturer ce deuxième bloc pour ce soir, Zulu, avec son tout premier album, voilà, le groupe de hardcore Power Violence Grindcore venu de Californie, qui a vu le jour tout début mars. Au niveau de la diffusion musicale, Insomnium, le morceau God Forsaken, Rotten Sun, la doublette Sharing, enchaîné à Renewable, Pest Control, Masquerade, Iron Cage, également une doublette, Inherit the Void, Crimson Slumber, Sermon, Silver Splinter, Zulu, également une doublette, Faking the Funk, enchaîné à Our Day is Now. C'est parti pour donc s'écouter le deuxième bloc pour ce soir. Resign yourself, my heart.